Ben voilà, ben hier, en fait, voilà, c'était le jour des poubelles. Donc, ben, moi, je pose ma bière, je descends la cave, et là, ben, je vais prendre les poubelles qui sont préparées, quoi, pour les mettre devant, comme ça, demain, les éboueurs, ils les prennent, quoi. Ben, le truc, c'est qu'au moment où je prends le sac, ben, j'ai pas capté, mais là, j'ai entendu miauler, quoi. J'ai entendu miauler. Y a un chat dans ma poubelle, y a un chat dans ma poubelle, y a un chat dans ma poubelle. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait là? Y a un chat dans ma poubelle, y a un chat dans ma poubelle, y a un chat dans ma poubelle. Mais bordel, je n'y crois pas. Y a un chat dans ma poubelle, y a un chat dans ma poubelle, y a un chat dans ma poubelle. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait là? Y a un chat dans ma poubelle, y a un chat dans ma poubelle, y a un chat dans ma poubelle. Mais bordel, je n'y crois pas. Donc ben voilà, moi ce que j'ai fait en fait, j'ai fait un petit peu le tour du quartier pour demander à qui appartenait ce chat. Et j'ai jamais trouvé quoi, pas moyen quoi. Donc j'avais beau demander aux voisins, y a personne qui le connaissait. Ben donc ce que j'ai fait, je l'ai remis dans la poubelle et ben voilà, les éboueurs ils viennent de passer et ils viennent de l'emporter. Le chat est dans le camion poubelle, le chat est dans le camion poubelle, le chat est dans le camion poubelle. Comme ça il ne m'emmerdera pas. Le chat est dans le camion poubelle, le chat est dans le camion poubelle, le chat est dans le camion poubelle. Après tout c'est mieux comme ça. Le chat est dans le camion poubelle, le chat est dans le camion poubelle, le chat est dans le camion poubelle. Comme ça il ne m'emmerdera pas. Le chat est dans le camion poubelle, le chat est dans le camion poubelle, le chat est dans le camion poubelle. Après tout c'est mieux comme ça. Un chat.